Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL le 89.1, sur le poste, une radio que l'on retrouve aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie d'une pionnière des musiques électroacoustiques. Et puis, bon, des arts nommés sonores aujourd'hui, une artiste d'origine argentine qui a fait carrière en France. Et qui va nourrir l'histoire des musiques d'expérimentation ainsi que les musiques dites concrètes. Elle s'appelle Béatrice Ferreira, elle est née en Argentine, à Córdoba, en 1937. Issue d'une famille de musiciens, elle fait des études de piano en Argentine au début des années 50. Et elle va poursuivre sa formation avec Nadia Boulanger à Paris au début des années 60 pour se passionner assez rapidement à cette époque pour les musiques concrètes et électroniques au sein du réputé groupe de recherche musicale parisien. Sans trop tomber dans le continuum historique, je vous propose donc ce soir une incursion dans les travaux sonores récents de Béatrice Ferreira, tout ça assorti de réflexions et de commentaires sur cette prodigieuse créatrice qui va emmener vraiment très large dans ce monde dominé par le sonore au masculin au cours du 20e siècle. Et pour se mettre un peu dans le beat Ferreira, on écoute une première création intitulée Jingle Bells. C'est une création de 2012 qui est un hommage rendu à un collègue du groupe de recherche musicale, François Bale. Alors on écoute ça. Ah! Eh bien, on vient d'entendre une création de Béatrice Ferreira, Jingle Bells, qu'on retrouve sur le label australien Room 40. C'est animé par Laurence English. Et c'est Laurence English qui dit ceci, j'ouvre les guillemets. « Je ne sais pas vraiment quand j'ai entendu la musique de Béatrice Ferreira pour la première fois. Peut-être au début des années 2000, en tout cas, le groupe de recherche musicale et la musique concrète étaient au centre de mes préoccupations à cette époque. » En 2017, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Béatrice au festival Semi Breve de Braga, au Portugal. C'est ensuite que je l'ai invitée à se produire en Australie. Béatrice Ferreira est l'une des rares compositrices de musique concrète encore active, et ce, tout au long de la seconde moitié du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Son travail, qui est encore une quête très dynamique, est à la fois complexe et d'une simplicité élégante. Ferreira, souligne Laurence English, a grandement utilisé la bande magnétique et d'autres formes de manipulation pour réinventer, reconfigurer radicalement les matériaux sonores. Alors l'album intitulé « Canto Plus », dont je vous présente des extraits ce soir, rassemble des œuvres qui rendent hommage, selon English, à ses intérêts profonds pour la voix et pour le dynamisme, le rythme et le potentiel des matériaux concrets. Alors, on écoute une belle illustration de ce potentiel des matériaux concrets avec une création intitulée « Pas de trois ». On écoute ça. Bon, Béatrice va donc passer les années 60 dans l'univers du réputé groupe de recherche musicale et du service de la recherche de l'ORTF en France sous la direction de Pierre Schaffer. Rien de moins. Elle raconte Ferreira dans un beau documentaire produit par Alexandre Bazin de Radio France, comment elle le découvre, ce groupe de recherche, et comment elle y fait son entrée sous l'aile bienveillante du compositeur Edgardo Canton. Alors, on écoute un extrait d'entrevue. Et puis un jour, j'ai connu Edgardo Canton, ce compositeur argentin qui était au Gérem. Et il me dit, je donne un concert, bon, je ne peux pas te voir, un concert où, je dis, je vais aller. J'allais à tous les concerts si je pouvais, si j'avais un peu de fric, c'est gagner un peu de sous. Mais il restait un peu de sous de mon voyage et tout ça. Et c'est là où j'ai entendu le concert collectif de Schaeffer. Et alors je dis, écoute, il faut que je rentre là-dedans, il faut que tu me... Je peux venir comme assistante, n'importe, débrouille-toi. Mais il faut que je fasse ça. Et c'est là où il m'a pris comme assistante. On était encore, le Gérem était encore à la rue de l'université à ce moment-là. Mmh. Eh bien, alors voilà, pendant cette période, Béatrice Ferreira va collaborer à des travaux de recherche sur le son, proprement dit, et contribuer à la réalisation des disques intitulés « Solfège de l'objet sonore », un projet qui découle du traité des objets musicaux de Pierre Schaffer visant à établir par l'écoute un vocabulaire susceptible de décrire les caractéristiques propres de l'objet sonore. Bon, le grain, la masse, le profil mélodique, bon, je passe plusieurs éléments. Un ouvrage qui marque vraiment d'une pierre blanche, comme on dit, l'histoire des théories musicales et sonores. Cela dit, c'est à partir de 1970 que Béatrice Ferreira devient compositrice. Elle mène des recherches instrumentales avec Bernard Bachet, notamment l'inventeur de l'orgue de cristal, pour aboutir au Collège des compositeurs de musique expérimentale à Bourges. On est au milieu des années 70. Bon, la suite s'enchaîne. Elle est invitée aux États-Unis pour y effectuer des travaux sur ordinateur. S'intéresse à la musique, à la musicothérapie. Elle va accueillir des commandes de création et mener des projets sonores pour les arts de la scène. Ferreira s'avère donc une figure emblématique des musiques concrètes, femme d'une époque bouillonnante sur le plan musical. Alors on écoute cette fois la babale du chien-chien à la mémère, une création de 2001. Création réalisée avec beaucoup d'humour et d'esprit. C'est paru en mars 2001, une commande du groupe de musique électroacoustique de Bourges. C'était dédié, dit-elle, à Tim, Oggy, Justine et les chiens de grand-maman. Alors on écoute cette belle pièce. Viens, Tim, on va jouer à la baballe. Viens. Viens. Thank you. Tiens. Eh bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de la compositrice et artiste sonore Béatrice Ferreira. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL. Restez des nôtres, on poursuit ça à l'instant. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions en reprise. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Bon, je vous convie ce soir à une brève incursion dans l'univers sonore de la compositrice, pédagogue et artiste sonore Béatrice Ferreira, une pionnière des musiques électroacoustiques qui va accompagner les passionnés de l'expérimentation sonore et des musiques concrètes du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, à son âge vénérable de 87 ans. On raconte que Béatrice Ferreira a transporté la musique concrète utopique de Pierre Schaeffer vers le futur, en occupant notamment une position singulière où elle se tient presque seule. Ses pièces sont habitées par une intensité presque fantasmagorique. Je referme les guillemets, je vous fais entendre un extrait d'une très belle création de Ferreira intitulée « L'autre rive », une œuvre de 2007 produite pour l'Institut international de musique électroacoustique de Bourges. Eh bien, Béatrice Ferreira a mené toute sa carrière dans l'univers de la création sonore associée aux musiques concrètes et électroacoustiques. Bon, on l'a compris, de Paris à Bourges, notamment, deux chefs-lieux de l'expérimentation musicale et sonore. Elle a suivi des cours de composition avec Earl Brown et Georgie Ligeti. Elle a reçu d'importantes commandes internationales pour des performances lors de festivals et de concerts, et elle est élue membre honoraire de la Confédération internationale de la musique électroacoustique, on est en 2014. Dans un très beau documentaire produit par Alexandre Bazin de Radio France, Béatrice Ferreira raconte son enfance, ses premiers pas dans l'univers des musiques concrètes, et elle lève un peu le voile sur sa démarche artistique. On écoute un extrait de cette interview, ça sera suivi d'un extrait d'une magnifique création intitulée « L'autre » ou « Le chant des marécages ». Ce sera un extrait, on écoute ça. On est des êtres de perception, fondamentalement. C'est une question de vibration, c'est une question de perception, c'est une question d'éducation ou pas. Moi, j'entends les sons, je vois des couleurs de forme. Je vois des sons transparents, je vois des sons pas transparents, et ils ont un poids, ils ont une couleur, ils ont une forme, ça bouge. Je n'ai pas de théorie, j'entends quelque chose, je vois quelque chose et je le suis dans la mesure où je peux. Et si ça s'arrête, je m'arrête. Et si ça reprend, ça reprend. Alors je l'écoute, j'ai des tonnes de sons et puis chaque fois que je fais une musique, je mets tous les sons que j'ai à fabriquer pour cette musique à part, pour ne pas remettre un son que j'ai déjà employé dans une autre musique. Tout est classé, sinon je ne trouve rien. Les sons aigus, les graves, les choses que j'ai fait avec tel appareil, toutes les choses de piano, d'orchestre, de machin ensemble. Ben, je vais voir si j'ai un souffle par là, et puis je cherche dans les souffles, j'ai un souffle, celui que je voudrais n'est pas là, alors je le fais. Oh. Bimba. Je vous fais entendre cette fois une création de Béatrice Ferreira qui s'intitule Écho, une œuvre sonore des années 70 qui a pour point de départ une histoire de famille. Bon, elle le raconte d'ailleurs, une nièce qui chante accompagnée à la guitare, puis qui va chanter a cappella pour Béatrice, qui l'enregistre sans projet très concret. Puis cette nièce disparaît dans un tragique accident et Ferreira imagine cette création sonore intitulée Écho. On l'écoute d'ailleurs nous raconter cette histoire. Ce sera suivi de la pièce titre Écho. Écos, Mercedes Cono, c'était la fille d'une nièce qui voulait être chanteuse. Elle est arrivée dans, je me souviens, 71, je crois, 72 ou 77. Elle voulait être chanteuse et elle était un peu, elle était très enrhumée. Elle toussait tout le temps, elle était mal au point. Et il voulait me voir parce qu'elle avait entendu parler de sa mère, que je l'avais aidée, je ne sais plus quoi. Alors je dis, ben, tu chantes. Alors elle a pris la guitare, là, comme ça, elle m'a chanté comme ça. Je dis, bon, très bien. Alors tu laisses la guitare et tu chantes a cappella. Ben, qu'est-ce que je fais avec la guitare, tu vois? Bon. Elle a commencé à chanter une chanson. Et il avait la voix qui sortait bien, plus ou moins bien, mais il avait des petites choses, et c'était très beau. J'ai dit, bon, un jour, je vais faire quelque chose, je vais lui envoyer. Et j'ai su, un an après, qu'elle s'était tuée. Elle était en moto avec un gars qui voyait seulement qu'un œil, ils ont eu un accident, et elle a été tuée. J'ai fait ça, avec sa voix. Disons, au moins, elle va continuer à chanter. Senão, filho. Esas Ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir autour de la carrière de la compositrice et artiste sonore Béatrice Ferreira. Grand merci à l'artiste de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres que vous retrouverez notamment sur le label Room 40, les albums Class et le label Persistence of Sound. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions pour écoute ou réécoute, le bon, à votre guise. Voilà, restez des nôtres, c'est Rock Medium avec Mathieu Johnson qui s'amène dès 22h. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. On complète la soirée avec une création intitulée celle-là, Siesta Blanca, une création de Béatrice Ferreira. Alors voilà, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.